dans les trams, tram, pram, bambi bram, comme mon crâne, crâne, pas de polyprane. Ma vie un putain de mélodrame, hein, yeah. Fais pas terminer dans les flammes, hein, hein, hein. J'en ai déjà plein dans la tête, hein, funk. Sans make-up, life, pas très glam, hein, hein, hein. C'est pour ça que je fais pas trop la fête, hein, funk. Dans le secteur, dans la zone, dans le secteur, je m'en coule. Je me sens mieux quand je suis alone. La night, la night, la night. On se cherche, on se trouve, puis on s'écarte. On se rapproche, finalement, on s'écarte. Dans nos vies, un tas de trucs qui nous séparent. Y'a encore tout un tas de trucs que je sais pas. Mais je sais, je sais.